au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Et quand tu frappes à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccine. Il y a là un droit d'humanité élémentaire. Je dirais presque si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble humanité animale. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le désarroi menace les esprits les plus sagaces, les tempéraments les plus ouverts, les caractères les plus généreux, devant le formidable défi que pose aujourd'hui la vague de réfugiés qui nous revient d'affronter. Défi économique, défi politique, défi moral. Donc il est urgent d'aller quérir dans le passé les précédents qui peuvent être de semblable nature, dans l'espoir qu'il nous informe sur les émotions provoquées et les solutions élaborées cas à cas chez les générations qui nous ont précédés. J'ai choisi de braquer l'attention ce matin sur le moment de l'entre-deux-guerres. Non pas que les déplacements les plus violents de population n'aient surgi qu'en ce temps-là, mais parce que ceux qu'on a connus alors, sous l'effet du premier conflit mondial et des bouleversements qu'il a provoqués en chaîne, ont été d'une grande dimension et parce que les démocraties ont été alors déjà placées devant le devoir d'inventer, collectivement, dans le meilleur des cas, des solutions inédites. Celles-ci ont été efficaces parfois, mais très souvent impuissantes à alléger les souffrances des populations transplantées. Zovinar Kevonian, maître de conférence à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, s'affirme depuis quelque temps comme une spécialiste avisée de la diplomatie humanitaire dans les années 20 et 30, sur laquelle ses travaux jettent une lumière neuve. J'ai donc souhaité vous en faire profiter. En descendant du train dans l'ombre, l'homme n'avait pas de billet, mais il a gagné sans encombre un hôtel borgne du quartier. C'était un client de passage, une espèce de vagabond qui dissimulait son visage en s'inscrivant sous un faux nom et qui partait pour un très long voyage. Plus tard, on l'a vu sur les quais où il cherchait à s'embarquer. Les policiers l'avaient traqué comme une bête sur les quais. Et les beaux bateaux qui vont sur l'eau lui semblaient presque chimériques, avec les feux de leur hublot d'appareillés pour l'Amérique. Par les carreaux de sa fenêtre jusqu'à l'aube, il n'a pas cessé de voir se suivre et disparaître de gros nuages convulsés. C'était un client de passage qui, se sentant alors perdu, a jugé qu'il était plus sage qu'on admit qu'il s'était pendu pour n'avoir pas eu l'argent du voyage. D'autres que lui le long des quais, au petit jour ont embarqué. Et les bateaux, les beaux bateaux qui vont sur l'eau, n'avaient plus rien de chimérique. Tout faisait de leur hublot d'appareiller pour l'Amérique. Zovina Arkevognan, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer une chanson de Francis Carco qui s'intitule « Le voyageur sans bagages ». La musique est de Philippe Gérard et l'interprétation est de la grande Renée Lebas en 1953. Oui, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle me paraît certes être un peu hors du temps, hors de toute période précise, mais assez significative d'une situation qui se retrouve de génération en génération. Et puis il y a la mer. Quand je l'écoutais, je me disais également qu'elle me fait penser à cette mer dont on nous parle tous les jours dans notre actualité, de cette mer Méditerranée. Alors là, probablement, ce n'est pas la Méditerranée puisqu'il regarde vers l'Amérique dans ce voyage impossible. Mais on a cette même mer qui, pour beaucoup et pour les historiens notamment qui ont lu Brodel en leur temps et qui ont fait leur classe avec cet historien-là. Vous parlez du grand livre de Brodel sur la Méditerranée, absolument, un grand classique. Un grand classique qui montre que la Méditerranée est en soi un espace de circulation, de partage, d'échange. Et bien là, c'est une Méditerranée qui, pour nous, chaque jour, lorsqu'on ouvre les informations, nous montre que la Méditerranée est un lieu où les gens meurent. En traversant, les gens meurent en fuyant ou en voulant se réfugier ailleurs. Et là, on voit cette nostalgie de cette mer qui n'est pas atteinte par ce personnage qui meurt de ne pouvoir traverser cet océan pour aller vers cette Amérique de liberté qu'il imagine. Et donc je trouvais que c'était une entrée en matière qui est certes peut-être un peu triste, évidemment, mais qui donne bien la mesure des enjeux que pose la question de la circulation des hommes dans l'espace aujourd'hui. Triste, oui. Je pense que cette émission ne sera pas constamment marquée d'allégresse, à vrai dire. Quelle est la nouveauté de l'entre-deux-guerres par rapport à ce qui a précédé? Il y a très longtemps que des humains ont été, par la force, transportés de leur lieu de naissance et vers d'autres lieux, individuellement et surtout en groupe. Est-ce qu'il n'y a pas une nouveauté dans l'entre-deux-guerres avec le mouvement de fermeture des frontières, qui est une des conséquences de la Grande Guerre, et puis l'inadéquation entre la nation et le territoire, qui fait que beaucoup de gens sont transférés de ce fait? Si les mouvements de population et ce qu'on appelle les déplacements forcés aujourd'hui ont eu lieu de tout temps, on peut caractériser cette période de l'après-Première Guerre mondiale en disant que certaines nouvelles caractéristiques apparaissent, parmi elles la véritable internationalisation du problème des réfugiés, qui existait bien avant, mais qui augmente par sa masse. Alors évidemment, aujourd'hui, parler de masse pour les 10 millions de réfugiés de l'entre-deux-guerres en Europe peut faire sourire, puisque certains disent que le nombre des réfugiés déplacés aujourd'hui atteint la population de la France. Triste record de 2016. Sur la planète, oui. Sur la planète aujourd'hui. À l'époque, combien, on a une idée? On dit environ, et pour l'Europe, donc vous voyez que les chiffres sont très limités, sont d'environ d'une dizaine de millions d'individus, c'est ce que la Ligue des droits de l'homme écrit au milieu des années 20. Mais ce qui change, c'est ce sentiment de massivité, effectivement, et puis les causes nouvelles, notamment ce qu'on appelle les réfugiés de la paix, c'est-à-dire ceux qui ont été créés par ces nouvelles frontières que vous évoquez, ce nouveau découpage, la fin des grands empires, notamment l'Empire austro-hongrois, la chute de l'Empire russe et sa recomposition nouvelle, ou celle de l'Empire allemand. Tout ceci fait que de nouveaux États apparaissent et que des individus se trouvent désormais liés ou non d'ailleurs à ces États, où ils forment de nouvelles minorités, où sont sommés d'opter. L'option de nationalité est le principe qui a été choisi en disant, voilà, si tu choisis d'aller vers ton État-nation, puisque chacun aurait un État-nation ou un foyer national, eh bien, il doit se déplacer, choisir sa nouvelle patrie, son nouveau domicile. Et donc, l'Europe, effectivement, est parcourue de réfugiés qui ont soit un État-nation leur convenant ou qui se trouvent être désormais des minorités. Donc, cette inadéquation crée des réfugiés en nombre, soit ce qu'on appelle des réfugiés de fait, c'est-à-dire des gens qui de fait se trouvent dans ces situations d'exil ou de déplacement. C'est un effet finalement paradoxal de la générosité affichée des 14 points de Wilson, qui affirmait qu'il fallait défendre l'autodétermination des peuples. Mais alors la conséquence, c'est qu'effectivement des minorités, du même coup, se trouvent rejetées de ces États nouveaux. Mais oui, puisque l'interprétation qui a été faite de ce point de Wilson, qui parlait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a donné lieu à un grand contresens, puisque lui disait et parlait de ce droit des peuples comme ferment de la démocratie. Et ceci a été compris comme un droit des peuples national, à chacun d'avoir sa nation et son État coïncidant à sa nation, ce qui évidemment était impossible. Et ce qui fait que, de fait, que lorsqu'on regarde l'après 1919, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a plus de minorités qu'avant 1914. Il est frappant que, à cette époque, peut-être est-ce révélateur, les formulations changent ou évoluent, sont nombreuses, réfugiés, heimatlos, proscrits. Alors la question, c'est qu'effectivement, la nouvelle réalité massive, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les apatrides en français, mais qui étaient connus sous leur nom allemand de heimatlos avant 1914, puis non employé avant le mot germanique. Et donc, cette nouvelle réalité, ce sont non seulement des sans-patrie, mais désormais des sans-État, c'est-à-dire des personnes que les États rejettent. Alors, soit c'est des faits de discordance juridique entre États, ce qui était la cause ancienne jusqu'en 1914, c'était une réalité qui représentait peu de monde. Soit des personnes qui avaient eu des problèmes entre deux nationalités en changeant de pays, soit des personnes qui s'étaient engagées comme mercenaires pour un autre prince ou un autre État et qui perdaient de fait, qui étaient dénationalisées de fait. Mais là, la nouvelle réalité, que c'est désormais des groupes entiers, des peuples entiers, qui font l'objet de mesures politiques de dénationalisation forcée, ce qui fait apparaître ces apatrides de l'entre-deux-guerres. Est-ce que sur la longue durée, une différence majeure ne serait pas que la motivation religieuse ait beaucoup compté dans les siècles précédents? On pense notamment aux effets de la désastreuse décision d'abolir l'édit de Nantes par Louis XIV, alors que la composante politique devient au contraire essentielle à partir de 1919. Est-ce que vous approuveriez cette opposition, en gros naturellement? Moins d'opposition que évolution, effectivement, progressive, par rapport au premier refuge protestant, où effectivement cette dimension religieuse est centrale. Mais on aura des situations mixtes, hein, comme le cas des juifs de la fin du 19e siècle, où les motivations de l'antisémitisme sont tout à fait mêlées. Et puis effectivement, on a cette dimension nationale, nationaliste, évidemment, ou idéologique, dans le cas russe. Hein, les bolcheviques dénationalisent les opposants au régime bolchevique et communiste, alors que la nouvelle Turquie kémaliste dénationalise les Arméniens en masse pour éviter qu'ils reviennent sur leurs terres après le génocide de 1915-1916. Donc la dimension effectivement nationale, idéologique et politique est dominante dans l'entre-deux-guerres. Considérons Devinar Kevonian, considérons des cas précis. Il y a la grande donnée massive, juste après la guerre, sous l'effet de la révolution d'octobre, l'émigration des Russes blancs, défaits par les troupes bolcheviques. Les Russes blancs arrivent en France notamment et fuient à travers plusieurs vagues. Il y a la première vague qui est celle qui suit la révolution d'octobre 1917. Nous sommes en 1918. Ils fuient les persécutions et on a là une aristocratie qui est assez internationalisée, qui fuit le pays. Puis, ce sont les réfugiés de la guerre civile russe et de la défaite progressive de l'armée blanche. Ceux-ci fuient en masse via la Crimée et on les voit arriver en masse traversant la Crimée à Constantinople. L'armée Vrangel. Mais derrière l'armée Vrangel, des milliers et des milliers de familles, d'individus, de femmes et d'enfants qui fuient cette armée et qui fuient cette défaite blanche. 1 million de réfugiés russes environ vont arriver dans les pays limitrophes du nouvel empire soviétique. À trait de la France, la plupart viennent en France. C'est une époque où la France est particulièrement accueillante. Comme on peut le lire dans les travaux de Catherine Gousseff, qui a travaillé sur cet exil russe en France, on estime environ à 80 000, et donc c'est un flux important, le nombre de Russes réfugiés qui vont venir s'installer en France. Ils incarnent évidemment cette victoire du bolchevisme et cette peur également de la guerre civile et de la violence qui a sévi pendant la guerre civile. Ils suscitent l'imaginaire français de manière considérable, évidemment, puisque parmi eux, il y a ces anciennes aristocrates déchus, Et il y a également ces nantis qui représentent un peu un fantasme russe et de ce milieu de la culture russe, mais évidemment, ces aristocrates, ces milieux culturels qui arrivent en France avec cette émigration représentent seulement une partie de cette émigration. Mais cette représentation est restée dans la mémoire française particulièrement importante. Il y a eu une pièce qui était un immense succès dans les années 30 qui s'appelait « Tovaritch » de Jacques Deval, qui imagine que des grands seigneurs, enfin un couple de grands seigneurs russes viennent se mettre au service d'un député radical socialiste avec toutes les situations étranges à quoi vous pouvez songer. Du côté de l'imaginaire, vous évoquez l'imaginaire. Quant aux Russes, je voudrais vous faire écouter des souvenirs de Joseph Kessel, grand, qui était à l'époque un très grand reporter, déjà très, très célèbre. Il s'exprime au micro de Paul Guimard le 6 avril 1956 et il évoque tout ce qu'il se rappelle de l'émigration russe à Paris et du bonheur que parfois il a trouvé à la fréquenter. Car c'était un vrai peuple que ces émigrés russes. Et dans ce peuple de désespoir, de tradition encore toute récente, de tradition nocturne, de tradition de fête, qui représentait un monde si proche, puisqu'il était écroulé seulement 3 ans auparavant, et qui était tout de même perdu à jamais, dans ce monde et dans ce peuple, on trouvait les éléments les plus pathétiques et les plus curieux. Il y avait là de vrais tziganes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui avaient passé leur vie à chanter dans ces immenses restaurants nocturnes fréquentés par les marchands millionnaires, par les grands-ducs, par les princes et souvent aussi par Rasputin lui-même. Il y avait les princes et les gens riches qui avaient fait chanter ces tziganes et qui maintenant étaient devenus plus pauvres qu'eux parce qu'eux n'avaient pas le métier nécessaire pour gagner leur vie nocturne. J'ai connu par exemple là un prince Galitzine qui était colonel de son régiment et qui donnait des fêtes éblouissantes qui se terminaient à vers 7-8 heures du matin. Et à cette heure-là, il faisait venir la musique de son régiment en uniforme et à cheval pour donner une obade d'adieu à ses invités. Eh bien, ce même prince était guitariste et recevait des pourboires dans un endroit qui s'appelait le caveau caucasien. J'ai connu un ancien amiral qui servait de portier et qui avait une chemise brodée des mains même de l'impératrice qui venait d'être tuée à Ekaterinbourg avec toute la famille impériale, et tant d'autres. Toutes vos images, tous les clichés, je dirais, en tout cas les stéréotypes de Zovinark et Vognian sont là rassemblés. On est loin de la réalité ou elle a vraiment existé ? On est entre la réalité et la fiction. Il y a des deux. Il y a effectivement ce monde du refuge russe qui est vu par un biais élitiste et culturel. Oui, effectivement, on a des princes devenus chauffeurs de taxi. Voilà, dans cette représentation iconique. Mais tout flux de réfugiés a généré des représentations et une mémoire qui n'est pas toute la réalité de ce flux ou de cette émigration. On aura la même chose pour les années 30. Il y a dans le tout Paris des artistes et des intellectuels russes en exil. Nicolas de Stael, Stravinsky, Rachmaninov sont bien à Paris, effectivement. Mais ceci ne dit pas tout. Et c'est ce que Catherine Gousseff écrit bien dans son livre et dans sa thèse. C'est que ça ne dit pas tout de l'exil russe. En vérité, c'est ce que la mémoire mondaine parisienne ou du tout Paris a retenu de cet exil. Et il y a dans le témoignage qu'on vient d'entendre, l'une des premières phrases, c'est un vrai peuple. Et c'est bien ce biais culturel, c'est-à-dire de cette identité russe, de cette âme slave, effectivement, de ce lyrisme propre à cette représentation du monde russe qui était celle que Kessel reprend très justement dans cet extrait. Probablement faut-il marquer aussi que la période des années 20 est économiquement plus favorable à un accueil généreux d'étrangers arrivant en masse que ce ne sera le cas après la grande crise de 1929 qui se développe en France à partir de 1931 et 32. Donc les Russes trouvent assez facilement du travail, pas seulement dans les boîtes de nuit. Oui, bien sûr, évidemment, puisque tous les Russes ne sont pas des princes déchus. Voilà, loin de cette image-là, il y a une réalité sociale qui est celle qu'effectivement la France de l'immédiate après-guerre est un pays à reconstruire, qui a perdu énormément d'hommes, la grande saignée de la Première Guerre mondiale. Et donc effectivement, les réfugiés sont une main-d'œuvre. Voilà, une main-d'œuvre qui est susceptible, évidemment, de travailler dans ces usines de la reconstruction et de la reprise économique de l'après-guerre. La question des réfugiés ne peut pas être comprise lorsqu'elle n'est pas rapportée à la question de la situation économique globale dans laquelle elle s'insère. Et donc, tantôt, le réfugié sera bien réfugié, et tantôt, on l'accusera de se travestir en réfugié alors que c'est un migrant économique. Mais c'est toujours la même personne, en réalité. C'est juste que dans le contexte dans lequel il se pose, eh bien, on le présentera d'une telle manière ou dans telle autre. Donc, la question des catégorisations et de dire celui-ci est un réfugié, celui-là est un faux réfugié, eh bien, évidemment, l'historien s'en méfie énormément. Les Européens d'Algérie, quelque immense qu'ait été leur souffrance, ont été relativement bien intégrés dans l'économie française parce qu'elle était en progression, elle était dans les Trente Glorieuses dans les années 1960. Dans le cas des Russes, il faut rappeler que Lénine a décidé de dénaturaliser ceux qui avaient émigré, ce qui aboutit au fait que les Russes dont nous parlons sont le plus nombreux à être apatrides. Ce mot que vous évoquez tout à l'heure, et ce qui pose aussitôt la question de la généralisation des passeports et des visas, beaucoup plus présents, beaucoup plus importants dans cet entre-deux-guerres que ce ne pouvait être le cas, par exemple, une centaine d'années avant. Coïncide, et c'est là ce qui change la nature du problème des réfugiés et qui fait que ça devient un problème international, c'est coïncide la généralisation des passeports et des visas après la Première Guerre mondiale. Un certain nombre de conférences internationales vont généraliser des phénomènes qui existaient. Dans certains États, les passeports intérieurs existaient, mais vont le généraliser. Et donc, on va créer le visa d'entrée, le visa de transit et même le visa de sortie qu'on va supprimer au bout de deux ans parce que les trains ne fonctionnent plus en Europe, en fait. Ils sont tous en retard. Et donc, on s'aperçoit que si on rajoute le visa de sortie, voilà, la circulation des hommes ne peut pratiquement plus se faire. Et donc, effectivement, les frontières deviennent moins poreuses, bien qu'on sait très bien que, voilà, sur toutes les frontières du monde circulent nuit et jour beaucoup de monde, en vérité. Mais effectivement, le contrôle et cette généralisation de ce document qui permet ou non de voyager ou d'entrer, de sortir d'un État, se généralise. Et en même temps, on a ces déchéances globales, forcées automatiques de la nationalité pour des groupes entiers. Et donc, c'est cette coïncidence qui fait du problème de l'apatridie un véritable problème international à ce moment-là et des situations qui créent des véritables tragédies individuelles. Le fait de l'apatridie, comme on dit, dès ce moment-là, est loin d'avoir disparu. Il y a aujourd'hui des millions d'apatrides sur cette planète. Oui, aujourd'hui, et la question a été évoquée évidemment lorsqu'en France, on a parlé de modification de la Constitution sur la question de la déchéance de nationalité ces derniers mois, enfin l'année écoulée. Ces questions ont été évidemment dans l'actualité. Pour les binationaux. Pour les binationaux, oui, aujourd'hui, il y a dans le monde environ 12 millions d'apatrides. Une des raisons pour lesquelles beaucoup se sont élevés contre cette idée, c'est parce que cela aurait rejeté en fait les individus concernés vers l'apatridie. Absolument, alors que depuis 1954... Voilà, les États ont signé une convention internationale qui essaye d'éviter de créer de nouveaux apatrides, évidemment, puisque des situations juridiques créent des apatrides, mais également politiques, des législations étatiques peuvent créer des apatrides. Et donc aujourd'hui, cette question existe à la fois dans des États où il y a des législations internes qui visent à exclure une partie de la population, une minorité par exemple. Eh bien, la dénationalisation de fait, celle-ci n'existe pas dans le jeu politique. Et puisque la nationalité, comme disait Hannah Arendt, c'est le droit d'avoir des droits. Et donc effectivement, c'est le premier pas dans lequel on rentre dans la collectivité nationale et on accède aux autres droits. En les excluant de fait, on les exclut non seulement de la vie politique, mais de la vie civique tout entière. En 1926, paraît un roman auquel vous attachez de l'importance, à juste titre, Zovin Arkhevonian, qui est le vaisseau des morts d'un mystérieux Traven. Je voudrais que vous vous y arrêtiez un instant. Le vaisseau des morts a été écrit par Monsieur B. Traven, qui n'existe pas, puisque Monsieur B. Traven s'appelle en fait Otto Feige, ou alors il s'appelle Thorstvan Traven, ou alors Hal Koves, ou alors Rhett Marut, puisque cet homme a eu une multitude d'identités, il a joué avec ces multitudes d'identités, et moi je trouve ça... C'est une illustration tout à fait de cette volonté qui s'oppose à cette assignation identitaire, vos noms, vos papiers s'il vous plaît. Eh bien cet homme-là avait de multiples identités, il les a changées au fur et à mesure de sa vie. C'est un socialiste allemand, c'est un homme de théâtre, c'est un écrivain. C'est un homme qui s'est installé au Mexique une grande partie de sa vie et qui était un grand défenseur des Indiens du Chiapas. Donc c'est un homme qui a eu de multiples vies. Et en 1926, il fait paraître un ouvrage qui s'appelle « Le vaisseau des morts ». Et il parle de ces hommes n'ont pas de passeport, justement, dans cette Europe des années 20, qui n'ont pas opté à temps au lendemain des traités de paix, lorsqu'il fallait faire cette option de nationalité, choisir enfin son État-nation. Ces apatrides, ces sans-patries, qui se retrouvent comme soutiers sur ces bateaux, toujours de cette même mer Méditerranée dont on parlait tout à l'heure en introduction, des vaisseaux fantômes où on travaille pour trois fois rien, où on est maltraité, et que le capitaine s'aborde un jour pour toucher l'argent de l'assurance. Et donc, à travers ce roman, on voit ces dialogues entre ce Polonais qui n'a pas opté quand il fallait, qui se retrouve sans papier. Déjà les passeurs. Et déjà, évidemment, les passeurs. Et parlant de sa situation de clandestinité, à un moment, le héros s'exclame, et je le cite, « Tu ne peux pas te figurer la circulation qu'il y a chaque nuit sur toutes les frontières du monde. » Ils me l'ont bien fait à moi et à ces bandes de vagabonds que j'ai croisés un peu partout. Qu'y faire ? On ne peut tout de même pas les tuer. Après tout, ils n'ont commis aucun crime. Leur seule faute est de n'avoir pas de passeport, de n'être pas né, de n'avoir pas opté. Ce passage montre bien que ce monde qui se couvre de frontières, de papiers, de cette assignation qu'il faut de savoir, voilà, d'où viens-tu, quelle est ton origine, est-ce que tu peux le prouver, eh bien, c'est toute la question de l'identification nationale qui est en train de basculer dans ce tournant des années 20 également. Toute une capacité nouvelle également de l'État de pouvoir contrôler les individus et de pouvoir dire qui est qui. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à deux cas spécifiques de transfert de population collective. Je veux dire, d'une part les Arméniens et d'autre part les Grecs en face des Turcs après la défaite des Grecs devant les Turcs dans les années 1900. Commençons par les Arméniens. Écoutez, pour ouvrir ce chapitre de notre conversation consacrée aux réfugiés et aux apatrides dans l'entre-deux-guerres, écoutez cette lettre du maire de Marseille, Siméon Flessière, 21 octobre 1923, qui est adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui est ici lu par Daniel Koenigsberg dans La Fabrique de l'Histoire, de notre cher Emmanuel Laurentin, le 25 septembre 2015. Depuis quelque temps se produit vers la France par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de 3000, se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre, et l'on annonce que 40 000 de ces hôtes sont en route vers nous. Ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s'ils n'y sont pas déjà, en germe pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. Des mesures exceptionnelles s'imposent, et elles ne dépendent pas des pouvoirs locaux. La population de Marseille réclame du gouvernement qu'il interdise vigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrés et qu'il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. Docteur Siméon Flessière, maire socialiste de Marseille en 1923. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Oui, il est en effet membre de la SFIO. Ce texte est d'autant plus frappant que c'est un médecin des pauvres, qui d'autre part avait une figure de grande générosité et qui, dans ce texte, nous conduit vers des préoccupations hygiénistes et aussi vers un certain nombre de stéréotypes, l'indolence orientale. On a un témoignage très caractéristique, je dirais, d'une représentation. Une représentation qui nous renvoie aussi à la chanson de Carco du début de l'émission, qui parlait de quelqu'un qui était traqué comme une bête. Et là, on nous parle de troupeaux humains. Évidemment, c'est rabaisser l'individu à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire à lui faire perdre son humanité. Et cette représentation fait perdre à ces individus leur humanité, leur individualité, pour en faire une masse. Alors, on a tous les stéréotypes, la masse, le nombre, l'épidémie, l'invasion, évidemment, de l'étranger. L'indolence orientale rapporte évidemment à ces visions de la fin du 19e siècle qui caractérisent les peuples en fonction de leur tempérament. C'est l'image des tempéraments des peuples. Évidemment, l'Orient est indolent par définition. Il n'est pas travailleur, il n'est pas volontaire. Donc nous avons là toutes les caractéristiques d'un discours hygiéniste de l'époque qui cohabite à la même époque avec tous ceux qui ont aidé ces réfugiés, qui les ont accueillis, puisque les réfugiés arméniens, effectivement, étaient accueillis à Marseille, notamment dans plusieurs camps et le célèbre camp d'Odo. Beaucoup ont trouvé place et ont ensuite poursuivi leur vie en France. Puisque ce qui caractérise aussi la question de l'accueil du réfugié, c'est qu'il y a toujours eu, dans cette notion de l'accueil ou de l'asile, eh bien, des discours très tranchés entre ceux qui en dénoncent le danger et ceux qui en considèrent qu'en accueillant les réfugiés, on est une part de sa propre humanité, finalement, que l'on défend à travers l'humanité que l'on accorde à l'autre. Et donc ces clivages traversent toutes les périodes, et on les voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, cette ambivalence est claire sur nos ondes, quand on voit l'opposition entre l'attitude de telle maire et de telle autre, telle municipalité et de telle autre, certaines farouchement opposées à l'arrivée des Syriens ou des autres exilés chez nous, et puis certains pays, ou certaines villes, certains villages, certains bourgs, au contraire, on dit mais il faut que nous prenions en main et que nous les accueillons. Oui, moi je pense que l'accueil, ce sont d'abord les pratiques. Alors évidemment, il y a les représentations, il y a aussi une politique étatique nationale qui en donne des cadres ou des axes, mais finalement l'accueil est toujours quelque chose où quelqu'un, à un moment, ouvre sa porte. Il faut lire les choses souvent voilà. Au niveau local. Et donc effectivement, à l'échelle locale, eh bien on aura toujours des groupes, et ceci traverse les institutions, traverse les organisations, traverse les partis, entre ceux qui verront dans l'autre un élément d'eux-mêmes, et ceux qui verront dans l'autre l'altérité, voilà. Et ici, l'altérité suprême, dans ce discours de Flessière, c'est bien de dire que l'autre n'est pas un homme, mais est un animal. Sans allusion d'ailleurs au génocide des Arméniens par les Turcs. Mais là aussi, je pense que c'est une méconnaissance de l'autre et de son histoire. D'ailleurs, le témoignage de lui, il fuit, dit-on, les Turcs. Voilà, dit-on, le dit-on, évidemment, donne toute la mesure du doute qu'inspire, évidemment, cet exil qui serait forcé, qui serait donc justifié. Oui, effectivement, ces Arméniens qui arrivent en France au début des années 20 sont les rescapés du génocide des Arméniens ottomans commis par le comité jeune turc et le gouvernement jeune turc au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre. Et qui se trouvent désormais en exil, non seulement parce qu'ils sont rescapés de cette politique d'extermination, mais également parce que le nouveau régime qui se met en place en Turquie à partir de 1921 et 1922 est un régime nationaliste qui n'entend pas faire une place aux minorités et aux anciennes nationalités de l'Empire. Il y a un autre cas au début de ces années 20 qui est majeur, c'est le cas de l'opposition entre les Grecs et les Turcs. Puisque le traité de Sèvres, qui avait suivi le premier conflit mondial, avait permis aux Grecs, qui étaient du côté des vainqueurs, de s'installer largement en Asie mineure, et que, ultérieurement, une guerre menée contre les Grecs par Atatürk a abouti à leur défaite, donc à l'arrivée d'un million, de réfugiés. Là, il ne s'agit pas de la France, mais de la Grèce. Un million sur 5 millions d'habitants, c'est à peu près la même proportion que celle des Syriens dans le Liban d'aujourd'hui. La question grecque, c'est qu'effectivement, après 1919, la Grèce se lance dans une grande épopée, qui est celle de la reconstitution supposée, fantasmée, voulue, désirée, c'est pas très clair, de la Grande Grèce. Et évidemment, profitant de la faiblesse de la Turquie à ce moment-là, enfin de l'Empire ottoman défait, eh bien, envisage évidemment une guerre qui, malheureusement, pour elle, en tous les cas, et par rapport à ses objectifs, est une débâcle. Débâcle 1922, mais cette débâcle politique, celle d'un gouvernement grec qui envisageait évidemment de profiter de cette faiblesse ottomane conjoncturelle, devient surtout une débâcle pour tous ces Grecs d'Asie mineure. Avec des images photographiées par les reporters du temps ou décrites par les journalistes qui évoquent déjà très largement certains épisodes dramatiques dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Puisque cette guerre va avoir pour conséquence la volonté du gouvernement kémaliste de créer une homogénéité ethnique sur le territoire de la Nouvelle-Turquie et d'expulser tous ces Grecs orthodoxes qui vivaient là, alors là depuis des temps immémoriaux évidemment, parce que l'histoire des Grecs et de l'Asie mineure est une très vieille histoire, jusqu'à ceux du Pont Euxin qui vont être expulsés et ou qui vont fuir évidemment la victoire kémaliste. L'épisode le plus connu étant celui de Smyrne, de l'incendie de Smyrne, des quartiers grecs, chrétiens et arméniens de Smyrne, par les kémalistes, créant un véritable vent de panique et qui font qu'environ 850 000 Grecs vont fuir la Turquie à ce moment-là. Et surtout, ce départ va provoquer un afflux ingérable pour l'État grec, qui n'est pas en capacité d'absorber cette masse de réfugiés, et qui va finalement donner lieu à un accord, à une convention, au début de l'année 1923, une convention d'échange entre le gouvernement turc et le gouvernement kémaliste, le gouvernement turc et le gouvernement grec, d'un échange forcé des populations grecques et turques, c'est son nom, cette convention étant le prélude du traité de Lausanne qui met fin définitivement à la guerre en Orient. et qui cette fois-ci va donc viser non seulement ces 850 000 Grecs qui ont fui, mais également tous ceux qui étaient restés, puisqu'il s'agit qu'il ne reste plus de Grecs dans le nouveau territoire turc, mais également près de 500 000 musulmans des Balkans, dits turcs, qui vont se retrouver expulsés de Grèce et devoir rejoindre une Asie mineure dont ils ne sont pas vraiment originaires, puisque comme vous voyez, là, ce sont vraiment des assignations identitaires qui sont plaquées sur des individus qui abandonnent leur village, ceux où sont enterrés leurs aïeux, eh bien, pour rentrer dans cette logique de l'État-nation. Il y a aussi une dimension religieuse, là encore, supposée, entre Absolument. Effectivement l'islam d'un côté et l'orthodoxie grecque de l'autre. Mais venons-en maintenant, Zovina Kevonian, à tout cet effort collectif des années 1920, notamment autour de la Société des Nations et du Bureau international du travail, cet effort collectif pour répondre à ce gigantesque défi que les temps nouveaux posent aux contemporains. Alors effectivement, l'apparition du droit des réfugiés date de cette période de l'entre-deux-guerres et est la conséquence de tout ce que nous venons de décrire à l'instant. C'est-à-dire de fait que désormais nous avons des individus qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas franchir les frontières ou se déplacer, qui ne peuvent pas attester de leur identité. Et il faut désormais attester de son identité, qu'ils ne peuvent pas forcément trouver un travail, ester en justice, prendre femme, voilà, ou se marier, ou acheter un bien, puisque évidemment ils ne peuvent pas prouver leur identité. Et donc la question des papiers devient une des préoccupations internationales de l'époque. Et la Société des Nations, de fait, se trouve au centre de l'effort collectif. Comme ça s'est mal terminé pour la Société des Nations, on a parfois, par un effet de finalisme, tendance à omettre des succès réels qui ont été les siens dans les années 20, ou des progrès. Je pense en particulier au rôle fondamental de Nansen, l'explorateur norvégien qui vient jouer un rôle majeur. Je voudrais que vous nous aidiez à faire ressurgir cette figure. Vous avez raison, l'approche téléologique a beaucoup dominé l'histoire de la Société des Nations, qui a été donc jugée sur son échec politique, alors qu'aujourd'hui l'historiographie nouvelle est très active sur cette période-là et montre que les pratiques, notamment tout ce qui concerne soit les réfugiés, soit la santé, soit les actions coopératives, ont été extrêmement importantes dans cette période. Fridtjof Nansen est un Norvégien, un explorateur qui n'était sûrement pas destiné à se retrouver le premier haut commissaire pour les réfugiés. En 1921, c'est tout simplement parce que ceux qui font face à l'afflux des réfugiés russes, et notamment en Orient, à Constantinople, mais également dans les pays limitrophes de la Russie, eh bien, la prise en charge est celle des organisations privées. De ces organisations privées, de ces associations, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge russe et de toutes les Croix-Rouges nationales qui sont dépassées par l'ampleur du problème et qui font appel à la Société des Nations en lui demandant d'intervenir à une autre échelle et de faire intervenir une action coopérative internationale. Nansen, personnage extrêmement prestigieux à cause de ses exploits d'explorateur du pôle Nord. Mais oui, l'exploration fascine et on la retrouve dans la presse de l'époque, à la fin du 19e et du début du 20e. N'a-t-il pas été quasiment sur le pôle Nord? N'a-t-il pas prouvé que l'océan Arctique, eh bien, il n'y avait pas de terre et qu'il pouvait le traverser avec son bateau, le Flamme, qui est connu de tous à l'époque? Oui, c'est une personnalité importante, connue, nous dirions médiatisée aujourd'hui. C'est aussi une personnalité importante de l'indépendance norvégienne. C'est un patriote et il l'a montré. Il est devenu diplomate pendant la Première Guerre mondiale. Et donc 1905, cette séparation de la Norvège et de la Suède, oui. Et il y a joué un rôle extrêmement important. Et donc, c'est un homme qui est aussi représentant de ces pays du Nord, qui espère que la Société des Nations permettra de leur faire entendre leur voix dans le jeu des grandes puissances, comme on dit à l'époque. Marqué par le puritanisme, aussi le protestantisme. Et ces réseaux, d'ailleurs, d'associations religieuses et missionnaires protestantes sont extrêmement actives dans l'aide aux réfugiés. Et donc, Fridtjof Nansen est nommé en 1921 premier haut commissaire. Et très rapidement, la question qui se pose, qui apparaît, est celle de l'apatridie. Voilà, de cette situation juridique. Et donc, outre l'aide et l'assistance que nous appellerons humanitaire, c'est-à-dire les secours faits aux réfugiés, eh bien, la question qui se pose et qui va être plaidée par les représentants des associations réfugiées eux-mêmes, puisque à l'époque, ces représentants de groupes réfugiés, notamment russes, réfléchissent sur la question du statut des réfugiés. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la question du sort des réfugiés est prise en charge par les organisations politiques ou humanitaires russes, mais aussi par les juristes russes en exil. Et on sait que l'élaboration de ce premier statut des réfugiés, de ce qu'on va appeler le passeport Nansen, entre guillemets, eh bien, est le fait également de ces juristes russes ou juifs russes en exil qui vont élaborer avec Nansen ce passeport. Alors, un passeport qui est d'abord fait pour les Russes et qui est ensuite étendu au Proche-Orient, réfugiés, génocide arménien. Comment est-ce que ça se présente? Alors, ça se présente comme un document qui est d'abord collectif. Il permet à celui qui a perdu la nationalité russe, puisque c'est au départ pour les Russes, en 1922 qu'il est établi, eh bien, d'avoir un document voilà, attestant de son statut de réfugié russe. C'est un véritable statut qui lui est attribué. C'est un document familial sur lequel on peut inscrire sa famille, ses femmes et ses enfants. Et c'est aussi un document sur lequel on peut mettre les visas lorsqu'on passe les frontières. Donc c'est un document qui se déplie, auquel se rajoutent des différents documents, comme un accordéon. Les documents qu'on a gardés de l'époque montrent bien ce document sur lequel de multiples visas permettent de voir la circulation, finalement, de ces apatrides. Vous en avez collectionné ? Zovinar Kevonianski vous a valu quelques préoccupations policières, m'avait raconté. Ouais, ça, c'est une anecdote. C'est que, effectivement, pendant ma thèse, je collectionnais les passeports d'Nansen, tout simplement parce que ça faisait partie de mon corpus de sources, puisque je travaillais là-dessus. Effectivement, un jour, j'ai été cambriolée, ce qui arrive à tout le monde. Donc, c'était une chambre étudiante, donc il n'y avait pas grand-chose à voler. Enfin, toujours est-il que je me retrouve avec la police qui intervient, voilà. Et qui, quand j'arrive chez moi, avait étalé tous ses passeports en me demandant « Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces passeports ? Où les avez-vous trouvés ?» Et je me suis évertuée à leur dire que d'abord, c'était des gens qui étaient morts depuis très longtemps, puisqu'ils étaient nés dans les années 1880, puisque je travaillais sur l'entre-deux-guerres, et que non, je ne trafiquais pas de passeports. Mais voilà, ça me montrait à quel point ce sujet, de toute façon, nous amène toujours à être voilà, dans la suspicion. Et donc, ce passeport est étendu au Proche-Orient, par la volonté voilà. de Nansen, qui se préoccupe évidemment beaucoup, dès ce moment-là, de toutes les convulsions qui agitent le Proche-Orient. Oui, tout simplement parce que 1923, c'est la fin de la guerre en Orient, c'est ce qu'on appelle le traité de Lausanne, c'est la victoire du kémalisme en Turquie, et c'est aussi la fin de tous les espoirs arméniens de voir se constituer un État arménien tel que les alliés s'étaient engagés à le faire pendant la guerre. C'est aussi la fin de la reconnaissance du génocide des Arméniens qui devient désormais sous le cul d'un négationnisme d'État qui s'est poursuivi pendant des décennies, on le sait, tout au long du XXe siècle. Et donc, de fait, la Turquie kémaliste va refuser l'accès aux Arméniens à leur propre territoire. Et c'est surtout que l'enjeu principal, c'est d'empêcher le retour des rescapés. Pourquoi ? Parce que les rescapés réclament leurs biens, réclament leurs terres, réclament leurs avoirs bancaires. Et empêcher les Arméniens de rentrer en Turquie, c'est-à-dire leur interdire l'accès à la nationalité du nouvel État turc, est la manière la plus commode de faire qu'ils ne puissent pas revenir et qu'ils ne puissent pas réclamer leurs biens. Et on sait aujourd'hui, les travaux sur la Turquie contemporaine le montrent, qu'une partie de tous ces biens qui ont été spoliés, eh bien, l'ont été grâce au processus de dénationalisation des Arméniens. Donc, en 1923, les représentants des organisations arméniennes réclament, demandent s'il est possible d'étendre le statut qui avait été créé pour les Russes également à ces nouveaux apatrides que sont les Arméniens. Il y a une dimension qui est importante, c'est le rôle du Bureau international du travail, qui est un enfant de la Première Guerre mondiale aussi, dont le premier directeur général très prestigieux a été le socialiste français Albert Thomas, et qui est appelé un peu à la rescousse, ce qui introduit également la dimension économique, qu'on ne doit jamais oublier, l'inquiétude éventuelle des ouvriers, des pays concernés, devant l'arrivée de concurrence possible, etc. Évidemment, le Bureau international du travail et son organisation, qui a été fondée par les traités de paix de la Première Guerre mondiale, a à sa tête le socialiste réformateur Albert Thomas, qui est bien connu en France. Et là aussi, la question qui se pose, lorsqu'on a résolu la question des papiers, c'est-à-dire avec ce passeport Nansen, qui est en fait un certificat d'identité et de voyage, c'est celle du travail. Évidemment, vous avez raison. Et l'afflux de réfugiés pose toujours la question de la concurrence sur le marché du travail, la question des droits. On sait très bien qu'un réfugié va accepter des conditions de travail peut-être plus mauvaises, faisant des compromis avec la légalité et la législation sociale par rapport au national. Et ces questions se posent déjà pendant l'entre-deux-guerres. C'est pour ça que les questions d'aujourd'hui ne sont pas nouvelles et qu'elles résonnent déjà et que l'équation s'est déjà posée dans ces années-là. Et le Bureau international du travail, à partir du milieu des années 20, eh bien, se propose de devenir une espèce de chambre de compensation entre les espaces qui sont saturés de réfugiés, notamment russes, et des pays demandeurs de main-d'œuvre. Et effectivement, le BIT va placer, puisque ça sera de ce qu'on appelle du placement professionnel, placer environ 50 000 réfugiés russes. Migration du travail. Migration du travail, qui vont pour la plupart d'ailleurs venir en France, puisque Albert Thomas avait évidemment des contacts en France au ministère du Travail, au ministère de l'Agriculture. On trouvera effectivement tout un travail de placement de ces réfugiés russes qui est pris en charge par le Bureau international du travail. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à ces années 30 qui sont celles où l'horizon s'obscurcit encore davantage, puisque c'est le temps de la crise internationale avec ses conséquences sur la crispation des collectivités et des nations, et d'autre part la montée du fascisme, du nazisme en Europe. C'est le temps aussi où la préoccupation du passeport, en dépit du progrès Nansen, devient très lourde. Cela se voit dans un texte très fameux de Bertolt Brecht que je vais vous faire entendre, qui s'appelle « Dialogue d'exilés », qui a été commencé en 1940 et publié en 1961, qui est ici extrait d'une mise en scène par Guy Lauzin en 1968 avec Paul Chevalier et Gabriel Monet. « Pour entrer dans ce pays, il vous faut un passeport qui soit un passeport. Le passeport est la plus noble partie de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. » On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que celle d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue. Disons que l'homme n'est que le véhicule matériel du passeport. On lui fout un passeport dans la poche intérieure du veston. Tout comme à la banque, on met un paquet d'actions dans le coffre-fort. En soi, le coffre n'a aucune valeur, mais il contient des objets de valeur. Et pourtant, on pourrait soutenir qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Le passeport est l'essentiel, devant lui chapeau. Mais sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible. Ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'ils aient pris la manie de compter les gens et de les enregistrer comme s'ils avaient peur d'en perdre. D'habitude, ils ne sont pas comme ça. Mais voilà, ils tiennent à savoir très exactement qu'on est bien X et non pas Y. Comme si ça avait la moindre importance de savoir qui laissait crever de faim. Au début, on se cassait la tête à deviner pourquoi le Führer ramenait tant de monde des territoires limitrophes vers l'intérieur de l'Allemagne. La guerre seule a permis d'y voir clair. Comme il en gâche pas mal, il lui en faut des quantités. Quant au passeport, si on les a inventés, c'est avant tout une question d'ordre. Par les tantico, l'ordre est quelque chose d'absolument nécessaire. Supposons que nous nous baladions, vous et moi, sans une pièce à distance qui nous sommes. Le jour où on voudrait nous déporter, impossible de nous trouver, ce serait l'anarchie. Cette ironie de Bertolt Brecht, Zawinar Kevonian, nous conduit plutôt du côté de l'oppression que du côté de la générosité. Et c'est vrai que la première grandit dans les années 30. Les années 30, on l'appelle cette période la crise de l'asile, puisqu'effectivement, le contexte économique a changé. Et nous parlions tout à l'heure de ce rapport évident entre les contextes économiques et sociaux et évidemment l'accueil réservé à ceux qui fuient l'oppression. Il y a effectivement cette tension qui s'accroît dans les années 30. Pour un exil qui, au départ, n'est pas très nombreux, au début des années 30, en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, les mouvements de réfugiés jusqu'en 1935 sont peu importants, rapportés à ce que l'Europe a connu avant, sur ces dizaines et dizaines de milliers de réfugiés du début des années 20. Beaucoup de figures majeures, bien sûr, qui frappent l'opinion. Beaucoup de figures majeures, évidemment, qui frappent l'opinion, mais c'est surtout que la question ne se pose pas comme quelque chose pour lequel il faudrait prendre des mesures spécifiques, tout simplement parce qu'on ne mesure pas ce qui va se passer. Le basculement, c'est 1935, évidemment, et 1938 avec l'Anschluss, où là, la réalité du nombre pose problème. Et puis, l'autre aspect, c'est que les autorités gouvernementales, au début des années 30, considèrent que, finalement, ces réfugiés qui fuient, notamment les réfugiés juifs qui fuient l'Allemagne, pourraient très bien aller en Palestine. Et donc, jusqu'à la grande révolte arabe de 1936, finalement, le problème n'est pas présenté comme un véritable problème. Il n'y a pas une mobilisation qui soit aussi forte que celle qui a pu être au début des années 20. Et donc, effectivement, là, commence cette nouvelle figure qu'on voit très bien chez Brecht. C'est cette figure emblématique qui représente ce désarroi de l'homme face à l'État, de cette toute-puissance de l'État, de cette puissance anonyme de l'État qui fait qu'un homme est jugé sur un document et donc qu'il perd non seulement son humanité, il n'est plus la bête dont on parlait tout à l'heure. Là, il perd son humanité, il ne devient qu'une chose. Et dire qu'un homme n'est qu'une chose ou que sa valeur réelle, et c'est ce que dit ce passage de ce dialogue d'exilé, de faire de l'individu qu'un objet finalement, une projection des politiques, de ces dictatures ou de ces états totalitaires, fait qu'effectivement on se retrouve dans une nouvelle violence. Oui, d'ailleurs Hannah Arendt, dans un texte fameux, explique qu'elle a été chassée d'Allemagne avec les siens parce qu'elle était juive et qu'à peine elle avait franchi la frontière, qu'elle était taxée d'être boche. Elle ajoute, on nous dit même qu'il fallait accepter cette épithète si nous étions vraiment contre les théories raciales de Hitler. Pendant 7 ans, nous essayâmes ridiculement de jouer le rôle de Français, ou tout au moins de futurs citoyens. Mais au début de la guerre, on nous interna en qualité de boche, comme si de rien n'était. Cependant, entre-temps, la plupart d'entre nous étaient devenus des Français si loyaux que nous ne pouvions même pas critiquer un ordre du gouvernement français. Aussi déclarions-nous qu'il n'y avait rien de mal à être internés, nous étions les premiers prisonniers volontaires que l'histoire ait jamais vus. Après que les Allemands eurent envahi le pays, le gouvernement français n'eut plus qu'à changer le nom de la fabrique. Emprisonnés parce qu'Allemands, on ne nous libéra pas parce que nous étions juifs. Fin de citation. Mais oui, elle dit, elle arrive en France en 1933, elle très tôt, et elle a été effectivement internée à la fin des années 30 au camp de Gurs. Elle a été internée en 1939 parce que, avec la guerre se déclarant, elle est bien d'origine allemande, et donc les personnes d'origine allemande sont internées comme ennemis potentiels. Et puis après, avec la mise en place du régime de Vichy, ces mêmes personnes qui fuyaient l'Allemagne sont internées parce que juifs. Et donc effectivement, il y a ce paradoxe qu'elle souligne dans son appréciation et dans son analyse qu'elle fait de la question des réfugiés. Alors, je voudrais vous faire entendre une archive. C'est un discours de Léon Blum, le 26 avril 1939, en faveur des réfugiés juifs d'Europe centrale. Il reproche aux juifs français de marquer quelques réticences à l'accueil qu'ils peuvent donner à ceux qui arrivent en France. Écoutez-le. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté. Ni les peuples, ni les groupements humains, ni les hommes, au moins. Je me fais des choses, une idée que vous allez être peut-être trouver bien simple, bien rudimentaire, mais je ne peux pas me les représenter autrement. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, l'incendie ou l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants qui fuient à travers champs demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Mais quand il frappe à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccine, il y a là à voir. D'humanité élémentaire, je dirais presque si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble, d'humanité animale. Naturellement, ils ne pourront pas rester toujours là, c'est entendu. Naturellement, il faudra trouver des solutions ayant un caractère de stabilité et de durée, mais enfin, pour le restant, en attendant qu'eux-mêmes ailleurs trouvent un gîte plus sûr et plus durable. Comment allez-vous leur refuser l'asile des amis ? Voilà, Léon Blum, avril 1939, Zovinar Kevonian, ce texte me paraît sonner très fort. Oui, c'est un témoignage magnifique. Il montre finalement qu'il n'y a pas besoin de cause politique pour faire des réfugiés. Quand il dit, voilà, je prends cette métaphore de la catastrophe naturelle dans le village d'à côté, et puis ces gens qui arrivent à ma porte, à travers la campagne. Eh bien, le nazisme est une catastrophe naturelle. Dire cela pose question, parce qu'effectivement, ça veut dire que le réfugié, c'est pas forcément celui qui doit justifier d'une cause politique et justifier l'exil et justifier qu'il puisse être accueilli. Tout le monde peut être accueilli, tout simplement parce qu'il a froid, comme dit ce témoignage, comme il a faim, et on ne va pas d'abord lui demander pourquoi vient-il, pourquoi est-il parti, et est-ce que ce sont de bonnes raisons. Et je trouve que ces témoignages résonnent beaucoup avec aujourd'hui, puisque la question de savoir si c'est des vrais réfugiés, des faux réfugiés, alors quid des réfugiés environnementaux, ceux-là qui ne rentrent pas dans les cases de la Convention de 51, qui sont-ils? On leur ouvre la porte ou on leur ferme la porte? Mais là, quand il dit, voilà, il prend l'exemple de la catastrophe naturelle, voilà, ça me fait penser à ça, c'est de dire que qu'importe la cause pour laquelle ces gens-là ont fui. Mais là, ils sont devant moi aujourd'hui, et moi, en tant qu'humain, j'ai une responsabilité personnelle, individuelle, devant eux, de savoir, moi, est-ce que je vais ouvrir ma porte ou pas? Et donc, ça individualise aussi. C'est pour ça que ça montre que l'accueil, que l'asile, c'est une pratique, et que chaque individu est maître aussi de dire, voilà, moi, je vais ouvrir ma porte ou je vais pas l'ouvrir. Et puis, la deuxième chose qui résonne, c'est cette expression d'humanité animale qu'il emploie, de parler d'une humanité animale en disant, voilà, humanité animale, et qui nous renvoie aux images de bêtes de tout à l'heure ou de troupeaux, et on voit très bien à quel point, voilà, les mots peuvent avoir des significations différentes. L'humanité animale, c'est que c'est quelque chose de primitif en nous, de reconnaître dans l'autre un frère, ou pas. Et ce message qui est lancé en 1939, on est en avril 39, donc on est avant les grandes catastrophes qui sont passées. Évidemment, il ne le sait pas. Mais nous qui savons l'histoire, évidemment, nous qui circulons dans le temps depuis tout à l'heure, évidemment, savons à quel point ces propos sont visionnaires. Nous aurions pu, bien sûr, nous attacher aussi au cas des 500 000 républicains antifranquistes qui ont traversé les Pyrénées à la fin de la guerre civile, mais nous y avons consacré avec Denis Péchanski récemment une émission tout entière. Merci beaucoup, merci Zovinar Kevonian. Vous avez publié en 2004, c'était votre thèse, un livre qui s'intitule « Réfugiés et diplomatie humanitaire, les acteurs européens et la scène proche-orientale pendant l'entre-deux-guerres », aux publications de la Sorbonne. Vous y rendez hommage en particulier à ces grands juristes qui ont élaboré le droit international de façon très neuve à cet égard. Par exemple, Georges Selle, grande figure, professeur de la faculté de droit, qui était chahuté par les Camelots du roi au moment de la guerre d'Espagne parce qu'il prenait le parti des Républicains. Effectivement, mes recherches actuelles et le prochain ouvrage que je prépare portent justement sur ces juristes internationalistes qui, à partir de ces questions de ces apatrides, de ces réfugiés, posent la question des droits internationaux de l'homme. Pour comprendre 1948 et la Déclaration universelle, il faut aussi se pencher sur ces juristes internationalistes et de voir comment ils ont réagi à ce monde qui se couvre de barrières et qui voit ces nouveaux sans-État apparaître, c'est-à-dire les apatrides. Et cette réflexion sur les droits internationaux de l'homme traverse ces grands juristes, dont Georges Selle, qui effectivement écrit des lignes extrêmement intéressantes sur cette question des apatrides et de ces nouveaux passeports indispensables. Va paraître l'an prochain aux excellentes presses universitaires de Rennes un livre que vous avez co-dirigé, Zovinar Kevonian, avec Aline Angousture et Claire Mouradian, et qui s'intitulera « Administrer l'asile en France, les origines de la protection des réfugiés et des apatrides de 1920 à 1960 ». Je signale que Catherine Gousseff, à qui vous avez rendu hommage à plusieurs reprises, a publié au CNRS Éditions « L'exil russe, la fabrique du réfugié apatride » en 2008. Et puis hommage aussi au numéro de l'Histoire, qui a été publié à l'occasion des derniers rendez-vous de l'Histoire de Blois, sur le thème de partir, numéro de l'Histoire qui s'appelle « L'Odyssée des réfugiés », octobre-décembre 2016, c'est le numéro 73 des collections de l'Histoire. Vous pourrez retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, vous le savez. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous nous porterons plus loin en arrière, vers l'Ancien Régime, pour considérer à la suite du livre que vient de faire paraître Fanny Cossandet, ce qu'avaient pu être les hiérarchies et les préséances sous l'Ancien Régime. Sont-elles vraiment tout à fait dépassées aujourd'hui? Je gage que nous pourrons en douter samedi prochain. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée excellemment, comme chaque samedi, par Patrick Molinier, avec à la prise de son Delphine Baudet, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.